Perle de Ruby, tome 2, Nikéas, de Anya Trésolaire, lu par Anya pour Audiocité. Chapitre 10. 2161, année Upléenne. Les faucons blancs s'écrasaient sur le pare-brise de l'Agilgo. Les ailés étaient subjugués par l'éclatante blancheur qui s'étalait sans fin devant le vaisseau. Zoku avait activé le filtre de lumière pour leur permettre d'admirer le paysage au lieu d'être aveuglés. La pénétration dans l'atmosphère se passa sans heurts. Les secousses dues à n'importe quelle opération de ce type furent tout à fait supportables. Le sol était invisible, masqué par une espèce couche de nuages. Le vaisseau creva la vapeur d'eau pour déboucher dans un paysage immaculé, au milieu de particules blanches en suspension dans l'air, des flocons de neige, le pôle sud. Une étendue de neige à perte de vue, un désert blanc et plat. Zoku, il y a de la neige. Neige-t-il chez toi, Ormaïn? Non. Non, je ne connais pas ce phénomène-ci. Ça s'appelle de la neige, demanda Ormaïn. Zélé ne cacha pas sa déception. Il n'avait pas pris de combinaison chauffante, la princesse ne pouvait pas demander au pilote de se poser pour profiter de cette occasion unique. Plus généralement, ils avaient aussi des affaires plus importantes à régler. Zoku, quant à lui, ne put s'empêcher de donner un petit cours de science à Ormaïn. Il avait bien remarqué que le Nikéen avait répondu par la négative à Zélé, non pas parce qu'il savait que la météorologie tropicale de sa terre natale ne permettait pas la formation de neige, mais simplement parce qu'il ignorait de quoi il s'agissait. Ormaïn, ces points blancs sont des flocons de neige, ce sont des gouttes d'eau cristallisées. C'est de l'eau qui tombe du ciel, comme la pluie, mais à basse température, lui expliqua Zoku. Pleut-il chez toi, Ormaïn? Demanda Zélé. Princesse Zélé, bien sûr, il vient des tropiques, expliqua Zoku. La température ainsi que les conditions météorologiques sont très variées selon où l'on se trouve à la surface du globe. Sur Upléas, nous n'occupons qu'une toute petite partie du pôle Nord. Alors, nous ne sommes pas habitués à la diversité. Mais dites-moi que la majorité des mondes du comète sont ainsi. Zoku, tu ne m'apprends rien. Je sais bien que nous sommes une exception, et dans notre cas, c'est peu flatteur, s'attrista Zélé. La boîte noire que Zoku gardait près des commandes de pilotage indiquait d'un point clignotant leur position sur le planisphère ainsi que leur altitude. Enfin, un repère fixe situé légèrement au sud de l'équateur, leur destination sur le continent le plus à l'ouest. En observant le planisphère affiché sur l'écran du vieux scanner de Zoku, Ormaïn remarqua qu'il avait déjà vu cette découpe de terre quelque part. Avait-il pu voir cela? Les images dans son esprit étaient trop floues pour qu'il ne les situât aisément, et il avait peur de confondre avec des recherches qu'il avait effectuées sur le Rézarque. Non, il en était certain, il savait où il avait vu exactement le même planisphère, à bord du NL2BR. Une carte similaire avait été présentée sur l'un des écrans du tableau de bord du vaisseau. Après qu'il eut assommé le pilote, il avait vu un point sur l'un des trois continents qui clignotait, et sa position était devenue de plus en plus vague, au fur et à mesure que l'appareil avait pris de l'altitude et que la sphère matérialisant la planète sur l'écran de contrôle s'était rapetissée. S'il s'était rappelé de ce planisphère lors de sa première simulation de Nikéas, il se serait rendu immédiatement dans la bonne région, et cela lui aurait peut-être évité les désagréments qu'il avait connus alors. Seulement, la carte proposée par le simulateur était une parfaite photographie en couleur de la planète, et non pas un simple schéma représentant les contours des continents, il n'avait pas fait le rapprochement. J'avais déjà vu le plan de ma planète à bord du NL2BR. Il y avait un écran qui affichait la même chose que celui-là, expliqua Ormaïn. C'est bien de t'en rappeler, Ormaïn, mais ça ne nous est d'aucune utilité à présent. Zoku, c'est tout de même fascinant qu'une telle antiquité était encore utilisée. Princesse Zélé. Oui, comme vous dites. Ce vaisseau était une épave volante, mais il a bien fallu que de tels engins soient construits pour que de meilleurs y succèdent, comme ce cher Agilgo. À l'évocation de son vaisseau, Zoku tapota affectueusement le tableau de bord de son appareil. Zoku, sûrement, toutefois, des modèles encore plus performants que les tiens ont été fabriqués depuis, lui répondit Zélé. Zoku ne répondit pas. L'Agilgo n'était pas, en effet, ce que l'on pouvait appeler un vaisseau dernier cri, mais il n'était pas non plus une vieillerie. On en croisait encore aisément aux quatre coins du comète. Même s'il était vrai que l'on aurait pu s'attendre à ce que le fils d'un comte, et accessoirement le promis de la princesse, volât dans un vaisseau plus haut de gamme, Zoku aimait son appareil et comptait le garder jusqu'à ce qu'il rendît l'âme, et qu'aucune réparation ne fût plus envisageable. Princesse Zélé, il y a une mer qui part du sud du continent et qui remonte jusqu'au tropique. Nous allons la longer. Après quoi, nous suivrons le fleuve. Et, un peu avant le lac, nous devrons faire route au nord, dans les terres, sur moins d'octant octomètres. Ce sera à ce moment-là que nous risquerons la puce d'être repérés. Si le NL2BR était un avant-goût de leur technologie, je crois que nous n'avons pas beaucoup de soucis à nous faire. Mon brouilleur de radar servira à nous protéger et le radar m'aidera à éviter les zones d'activité. L'Agilgo traversa à la vitesse de l'éclair les espaces gelés du pôle sud, ses réacteurs détachant la neige du sol, la faisant fondre ou virevolter dans les airs. La princesse scrutait la surface à la recherche de traces de vie. Un troupeau d'animaux polaires se situait peut-être dans les environs. La surface calme bleutée d'un océan se profila bientôt à l'horizon. De gigantesques blocs de glace flottaient à la surface. C'était une mer d'huile. Pas une vague ne venait perturber la plénitude que la contemplation de ce spectacle pouvait susciter. Ormaïn était revenu se placer entre les sièges de Zélé et de Zoku pour admirer avec la princesse la vue au travers du pare-brise. Ils apercevaient de-ci et de-là des remous qui venaient perturber la tranquillité des eaux. Ils auraient aimé être en mesure de savoir ce qui causait ces perturbations, s'il s'agissait bien d'animaux marins, comme leurs esprits se l'imaginaient si aisément, et se questionnaient sur leur taille et leur allure. Mais l'appareil avançait trop vite pour qu'un élément statique ne puisse être contemplé. Aucun n'exprima cependant de mécontentement, la vision du paysage suffisait à leur ravissement. L'Agilgo s'engagea ensuite dans le détroit qui ouvrait l'accès à la mer qu'il devait remonter. Le point matérialisé sur le planisphère de Nikéas, retranscrit par le vieux scanner de Zoku, donnait l'impression que le vaisseau évoluait dans un mince couloir. Au franchissement du détroit, il pouvait voir au loin, de chaque côté de l'appareil, les terres émergées. Le continent qui leur avait paru plat de loin révélait maintenant ses collines forestières, toute son immensité boisée. L'unique couleur était le vert, mais un vert riche en nuances. Une, puis deux, puis trois, et puis des milliers de gouttes d'eau vinrent s'écraser contre la vitre du pare-brise. Il pleuvait. Zélie leva la tête vers la vitre du toit, qui était au-dessus de son siège, et regarda les gouttes foncer sur elle. Malheureusement, elles étaient stoppées dans leur élan. Elles ne pouvaient pas venir à sa rencontre s'écraser sur son visage. « Et la pluie? En as-tu chez toi de la pluie, Ormaïn ?»« Oui, ça je connais. »« Que cela fait-il ?» demanda Zélie. « De sentir la pluie tomber sur soi ?» « Oui, dis-moi. » Zélé était comme une enfant, de l'eau qui tombait du ciel, n'était-ce pas merveilleux? Une source d'eau qui jaillissait des nuages, ce n'était pas banal. Pas pour elle, une upléenne. Et des nuages, rien que cela, ce n'était pas ordinaire. Le soleil caché par des épais nuages était un simple spectacle inconnu des upléens. Ormaïn lui raconta du mieux qu'il put la sensation de la pluie ruisselant sur le corps, d'avoir le visage fouetté par une trombe d'eau, du tonnerre qui l'accompagnait parfois. Les yeux fascinés de Zélé l'amusaient. Comparé à Nikéas, il était vrai que le monde de la princesse n'offrait pas beaucoup de variantes. Lors de simulations, Zélé s'était rendue sur des mondes dont la palette météorologique comportait la pluie et elle avait connu des reconstitutions virtuelles d'eau s'écrasant sur ses paupières fermées. Malgré l'agréable sensation qu'elle avait éprouvée dans ces moments-là, voir la pluie tomber sur la vitre du vaisseau lui paraissait être un spectacle plus intense, alors qu'était-ce de recevoir réellement les gouttes sur sa peau. Après que le vaisseau eut remonté la mer, Zoku fit route vers l'ouest, suivant le fleuve et s'engouffrait dans une forêt dense. Arrivé à l'alignement perpendiculaire du point de destination et de leur position, Zoku vira à tribord et fit route plein nord. Zoku, qui avait volé en rase-motte à la surface de l'eau, à toute vitesse depuis des milliers de kilomètres, dut s'élever dans les airs pour pouvoir avancer dans les terres. Il était impossible que le vaisseau se faufilât entre les arbres et les fleuves, et le fleuve n'était pas assez large pour que l'Agilgo ne soit pas aperçu si quiconque s'était trouvé sur les rives. Sur l'écran du scanner, le point représentant l'appareil était très proche du point de destination. Ormaïn, nous ne pouvons pas nous poser exactement à l'endroit d'où tu es parti. Il y a forcément des mercenaires dans cette zone. Peux-tu m'indiquer un espace dégagé, calme, assez proche de chez toi ? La zone pluvieuse était derrière eux. Le soleil couchant rasait la cime des arbres. La végétation s'étalait à perte de vue. Comment Ormaïn pouvait-il reconnaître ce qu'il voyait quand il était à terre, où sa vision était dégagée, en se trouvant dans les airs au-dessus de tout, le sol masqué par des feuillages qui ne laissaient filtrer aucun indice. Tout était complètement différent vu du ciel. Et puis une clairière en forme de trèfle à trois feuilles trouva enfin le lit d'arbres. « Je connais cette clairière, j'en reconnais la forme, et le rocher est là !» s'écria Ormaïn. « Ormaïn, une clairière, c'est l'idéal !» lui répondit Zoku. « Les mercenaires ne viennent jamais ici, c'est trop éloigné des camps. « C'est par ici que nous faisons la cueillette, » expliqua Ormaïn. Le vaisseau prit un peu plus d'altitude, s'élevant d'abord sur un plan vertical et se rapprochant ensuite tout doucement du sol. L'air brassé par les propulseurs couchait l'herbe autour du vaisseau sur un périmètre de plus en plus restreint, Le pilote ayant vu déguerpir quelques créatures à l'approche du vaisseau, soigna encore davantage son atterrissage pour leur laisser le temps de se mettre en sécurité. Grâce au stabilisateur, l'appareil se posa en douceur, les passagers ne ressentant qu'une légère secousse quand les trains d'atterrissage entrèrent en contact avec la terre ferme. Zoku ouvrit un petit volet dans la coque du vaisseau, activa le levier qui y était dissimulé pour déplier la rambarde menant à l'extérieur, puis saisit un code, activant l'hologramme de camouflage, noyant l'Ajingo dans la végétation environnante. Bien qu'Ormaïn avait parfaitement pu respirer sur le sol upléen pendant des semaines sans jamais en souffrir, Zoku lança une analyse de l'air extérieur par précaution. La proportion des gaz le composant était en tout point similaire. L'analyse de la composition de l'air n'était pas terminée qu'Ormaïn avait franchi le sas et s'était précipité à l'extérieur. Il avait pris le temps de s'étirer et de se délasser un peu les membres pour se remettre de son long voyage ankylosant et laisser sa peau se délecter de l'humidité ambiante. En même temps que son corps prenait la forme d'un arc tendu, il avait gonflé ses poumons au maximum pour une grande inspiration. Il y avait quelque chose d'agréable à être de retour, même si la crainte d'être découvert revint vite à son esprit. Se retournant vers le vaisseau, il ne vit que la rampe et l'ouverture du sas perdue au milieu de la clairière, comme une porte donnant sur une autre dimension. La coque du vaisseau était invisible. Le Nikien se promena tout autour et repéra les légères variations de facettes au fur et à mesure qu'il se déplaçait dans l'espace. L'hologramme de camouflage était efficace mais pas infaillible, un observateur attentif le repérerait. Zoku hésita à ouvrir la soute. Il convint avec zélé qu'il n'était pas nécessaire de s'encombrer de masques respiratoires. La soute resta close. Lors de ses déplacements, la princesse n'avait jamais à se soucier de ce genre de détails. Elle laissa Zoku prendre la décision et se charger du matériel sans y réfléchir davantage. Enfin, les deux suppléens foulèrent le sol nikéen. La première impression qu'ils eurent de la planète hors du vaisseau fut la pesanteur. Tous les deux eurent la sensation que le sol était aimanté et qu'il faudrait doubler l'effort dans chaque pas à faire. La sensation leur paraissait plus flagrante maintenant qu'ils étaient sur la terre ferme qu'à bord. « Princesse Zélé, votre silhouette n'a pas changé, pourtant votre démarche est lourdaude tout à coup. » lança Zoku, amusé. « Zoku, fais attention à ce que tu vous dis. Nous avons bel être sur une autre planète, je ne suis pas moins ta princesse. » J'ai aussi l'impression d'être plus lourd, mais ça me soulage aussi. Je me sens de nouveau chez moi, lança Ormaïn. L'obscurité ambiante n'empêchait pas totalement les yeux de Zélé de détecter les couleurs bariolées qui les entouraient, et encore moins sa peau de réagir au contact du souffle du vent humide. Les sensations étaient plus fortes que dans le cratère vert. Son organisme s'imprégnait du climat et l'enivrait. La princesse fit de son mieux pour demeurer sereine. Ils étaient là, à découvert, en proie au danger, l'important était de se faire conduire en lieu sûr par Ormaïn. À présent que la technologie ne pouvait plus les aider pour décider du chemin à emprunter, ils devaient s'en remettre entièrement au Nikéen et à son expérience du terrain. Ils le suivirent alors qu'il leur ouvrait la voie. La nuit était tombée désormais, et les lieux étaient baignés dans la douce réverbération des deux lunes. Ils sortirent de la clairière et s'enfoncèrent dans la forêt luxuriante, bercée de chants nocturnes. Des animaux arboricoles sortaient leurs têtes des orifices creusés dans les troncs pour les observer. D'autres, perchés, le faisaient depuis leurs branches. Zoku était comme un fou. Ce terrain inconnu, pullulant de vie, le portait au nu. Il enregistrait toutes les espèces de plantes et de petits animaux qu'il trouvait sur son chemin à l'aide de sa visière. Il capturait quelques spécimens le temps de les scanner et radiographier avec un outil portatif qui avait l'apparence d'un simple bocal en verre et les relâchait aussitôt. Ces observations incessantes ralentissaient beaucoup le petit groupe. Zélé tenait à ce qu'il restassent tous ensemble, elle ne voulait surtout pas que l'un d'eux soit perdu de vue au moindre instant. Elle était forcée de se retourner souvent pour vérifier que Zoku les suivait, et ce dernier se contentait de lui adresser un sourire béat et de faire quelques pas dans sa direction le temps qu'elle détournât la tête pour être en mesure de revenir à ses observations. Malgré le temps passé depuis sa dernière excursion sur sa planète et l'obscurité, aucune hésitation ne se ressentait dans les pas d'Ormaïn. Il était sûr du chemin qu'il traçait. Il avait beau avoir été absent des mois, ce sont des années, depuis son enfance, qu'il avait passé ici. Avant l'oasis et Zélaïdo, ses pieds pointus n'avaient jamais foulé d'autre sol. « Est-ce encore loin, Ormaïn ?» La voix de Zélé était haletante. Aussi sportive fut-elle, chaque pas était un véritable exercice de musculation, et elle était autant fatiguée que s'ils avaient eu à arpenter un chemin ardu. « Ça ne va pas, Zélé ?» demanda Ormaïn. « La pesanteur me tue. Je n'ai jamais eu l'impression d'être aussi lourde de toute ma vie. C'est vrai que ça fait drôle dans les jambes, mais je constate que je n'ai pas trop perdu de muscles. Dans ton oasis. Tant mieux, sinon je crois bien que je serai dans le même état que toi. Ne te moque pas, s'il te plaît. De la transpiration dégoulinait du front de Zélé. Ses joues étaient rouges. Le sang affluent réussissait à outrepasser la couleur bleue de sa peau. Elle pensa à Zoku qui était un malheureux gringalet, sans la moindre trace de muscles dans ses membres, pitoyablement fin. Zoku, tout va bien? Tout n'est pas trop de mal à marcher? Princesse Zélé, c'est vrai que l'on se sent terriblement lourd. Pourtant, je ne peux bien que me porter tout à la fois. Je ne pourrais l'expliquer, je me sens comme ragaillardi. Quelque chose dans l'air, l'humidité sûrement, plus dense encore que dans l'oasis, le faisait se sentir bien malgré son poids subitement plus élevé. Mais depuis quand l'humidité de l'air jouait un rôle dans le bien-être d'un nupléen tel que Zoku? La princesse se retourna pour lui demander s'il préférait en général humidifier l'air chez lui, mais elle ne vit personne derrière elle. Zélie resta plantée un instant, scrutant tout autour d'elle la végétation plongée dans l'obscurité, ses fentes auditives réceptives au moindre son. « Zoku, où es-tu ?» Elle se retourna vers Ormaïn. Celui-ci lui tourna le dos et continuait d'avancer. Il n'avait pas entendu l'appel que Zélie venait de lancer. « Stop !» Son cri déchira les délicats piaillements, les divers chants animaux dont étaient baignés les environs, et un silence complet suivit. Il ne dura que quelques instants, mais il suffit pour que la princesse discerna un bruissement de feuilles. « Qu'y a-t-il ? » demanda Zoku, s'inquiéta Ormaïn. « On a perdu Zoku. » Les bruits de la nuit reprirent autour d'eux. Le même buisson, d'où Zélé avait perçu un bruissement, s'agita de nouveau et la tête de Zoku en sortit, son corps totalement camouflé par les branchages. Il leur fit un grand sourire et brandit son bras en l'air. Il tenait dans sa main un petit bocal dans lequel il avait piégé une petite bestiole bondissante. « Princesse Zélé, c'est une petite futée, mais j'ai fini par l'attraper. » Zoku, te voilà. Tu nous as fait peur. Cesse de batifoler. Princesse Zélé, vois dites que je batifole? Zoku, oui, tu batifoles. Je t'ai demandé de rester derrière nous. Nous ne devons pas traîner. Allez, rends-la sa liberté. Je ne crois pas que ce soit lui qui risque de nous faire repérer, mais toi, Zélé. Intervint Ormaïn. Avec le cri que tu viens de pousser, je préfère qu'on accélère l'allure. Les mercenaires ne sont pas très nombreux dans les parages, mais il faut toujours rester vigilant, même la nuit. Zélé empoigna le bras de Zoku et le tira de force pour empêcher tout nouvel arrêt malgré ses protestations. S'il n'arrivait pas au plus vite, Zélé sentait qu'elle allait tout bonnement s'effondrer sur place. Elle sentait ses jambes qui tremblaient sous son poids et le lourd mouvement de sa cage thoracique qui avait du mal à se soulever pour lui apporter tout l'oxygène dont elle avait besoin. Derrière un groupe d'arbustes, aux feuilles jaunes striées de violet, Ormaïn souleva une trappe recouverte de feuillage et de branches et invita ses compagnons à pénétrer dans le passage ainsi révélé. Ils descendirent une petite échelle constituée de branches grossièrement taillées qui menait à un tunnel. Sans qu'il n'y ait aucune torche accrochée aux parois, il ne manquait pas de lumière. Les racines des plantes de la surface qui descendaient très profondément étaient phosphorescentes. Ormaïn, Zélé et Zoku longèrent le tunnel à la lueur des racines pendant plusieurs dizaines de mètres et débouchèrent sur un véritable carrefour. 6 autres tunnels venaient à la rencontre du leur et Zélé se stoppa net en y découvrant de nombreux Nikéens, plus ou moins en train de s'affairer. Les Nikéens, à présent, s'arrêtèrent en reconnaissant Ormaïn. Ils s'amassèrent autour de lui et laissèrent éclater tout leur soulagement de le revoir sain et sauf. Au milieu des « On s'est tellement inquiété pour toi, c'est bon de te revoir. Tu nous as fait une de ces peurs. » Et outre « Tu as bonne mine ?» une question revenait sans cesse. « Où étais-tu passé ?» Ils étaient tellement occupés à s'enquérir auprès de leurs camarades qu'ils n'avaient pas remarqué que celui-ci n'était pas arrivé seul. Les Nikéens à présent étaient comme Ormaïn. Une peau bleue océan, luisante, de longs membres fins, des yeux triangulaires jaunes, un cuir translucide, de longues griffes rouges raides terminaient leurs doigts. La seule différence anatomique visible entre les Nikéens et les Upléens était leur peau, tout le reste était exactement similaire. Ils étaient également de la même taille, mais les Nikéens se tenaient droits et non courbés, comme la plupart des indigènes du Pléas, ce qui peut vous donner l'impression qu'ils étaient un peu plus grands. Un point interpella Zélé. Il n'y avait que des mâles de présent. Elle observa plus attentivement la foule réunie, et il lui était impossible de compter la moindre femelle. Par-dessus la haute agitation qui régnait au point d'intersection des tunnels, une voix forte s'éleva, et un Nikéen, dépassant tout ce présent de plus d'une tête, fraya son chemin, sans mal, jusqu'au centre, en brassant de ses larges bras musclés les badauds regroupés. L'immense Nikéen fixa un instant Ormaïn d'un air incrédule, et Ormaïn le fixa en retour. Il était minuscule face à lui, si bien qu'on aurait cru un enfant. Le Nikéen attira Ormaïn à lui et le serra fort en le décollant du sol. Il éclata d'un rire puissant. Ormaïn, après s'être cogné à la tête au plafond terreux, tenta de se dégager. Oui, Kawa, je suis aussi ravie de te revoir. Peux-tu me reposer maintenant? Tu m'étouffes. Kawa laissa retomber Ormaïn sur le sol et celui-ci fit quelques contorsions pour remettre en place les os cartilagineux de ses épaules qui avaient dû être quelque peu déchaussés de leur logement. Et lorsqu'il se pencha en arrière, sa colonne vertébrale émit un craquement. La petite taille d'Ormaïn ne risquait pas de suffire à cacher entièrement Zélé, même s'il était légèrement plus large d'épaule qu'elle. Elle le dépassait presque d'une tête. Je vois que tu n'es pas venu seul, tu nous présentes pas? Lança Kawa. Bien sûr, Kawa, voici Zélé. Et à côté d'elle, Kawa le coupa. Enchantée, ma toute belle. Enchantée, répondit Zélé étonnée. Ormaïn ne put présenter Zoku. À peine Kawa avait-il entendu le nom de la charmante femelle qui accompagnait Ormaïn, que celui-ci s'était approché d'elle d'un pas assuré, lui avait tendrement saisi la main et l'avait entourée des deux siennes, la fixant d'un regard enjôleur. Le comportement de Kawa perturba Zélé. Elle n'avait jamais rencontré la moindre personne qui osa agir de la sorte envers elle, et encore moins de la part d'un mâle. Même si son rang de princesse n'avait pas été divulgué, jamais aucun mâle ne se conduirait ainsi avec une femelle upléenne. Devait-elle mettre ses agissements sur le compte de son appartenance à une autre espèce, à une autre culture? Ormaïn s'était toujours montré très bien élevé. L'explication ne pouvait se trouver là. À ton retour, je m'étais dit que je te ferais la peau pour avoir osé me foutre une trouille pareille. Mais je crois que je vais pouvoir te pardonner. Lança Kawa à Ormaïn. Pour ne pas que son ami Upléen ne reste plus longtemps dans l'anonymat, Zélé s'empressa de faire les présentations. Je vous présente également Zoku, qui nous accompagne. Ne pouvant communiquer en ikéen, Zoku se contenta de sourire et de saluer la foule d'un simple geste de la main, plutôt universel dans le comète. Kawa porta un regard inquisiteur sur Zélé. Sa manière de parler sonnait bizarrement, comme si elle ne maîtrisait pas totalement ce qu'elle disait. Il avait aussi cru dénoter un léger accent. Tu peux redire présente? Présente, répondit Zélé. Le Nikéen n'avait même pas pris la peine d'ajouter un s'il te plaît à sa question et pourtant Zélé lui avait obéi le plus naturellement du monde sans réfléchir. C'était sans doute parce qu'il avait posé sa question sur un ton aimable et spontané. La sincérité lisible dans ses yeux prouvait qu'il ne pensait pas à mal et Zélé comprit que si elle lui faisait la moindre remarque, Kawa ne saisirait pas en quoi sa demande pouvait sonner mal polie. T'es pas d'ici toi, tu poses bizarrement. Tu l'as trouvée où, Ormaïn? Elle a un drôle d'accent, ta copine. Elle vient du Pléas, répondit Ormaïn. Du Pléas? C'est où, ça? Ça me dit rien comme secteur. Ce n'est pas un secteur, c'est une planète, celle que nous avons observée dans notre ciel, expliqua Ormaïn. L'expression que prit à ce moment le précis le visage de Gawa et de bien des autres Nikéens présents était digne de figurer dans les archivages que la visière de Zoku enregistrait. Beaucoup restèrent bouche bée, les yeux ronds, leur respiration s'était même arrêtée. « Je suis Upléenne ainsi que Zoku, » expliqua Zélé. « Il y a la vie sur cette planète, Kawa. Tu te rends compte? Nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Il n'y a pas que sur Upléas qu'il y a la vie. Il y a des huitaines d'autres planètes habitées, et elles communiquent entre elles, se rencontrent, échangent. » S'enthousiasma Ormaïn. La révélation d'une vie extranikéenne surprit bien du monde, comme on pouvait s'en douter, et suscita bien des réactions. Ormaïn, au centre de la foule, était pour la première fois de sa vie un orateur écouté avec la plus grande attention. Finalement, tous les Nikéens, ainsi agroupés au carrefour, se déplacèrent petit à petit vers une grande salle, où de nombreux autres Nikéens les rejoignirent, et apprirent avec stupéfaction que d'autres planètes que la leur étaient peuplées, et que l'un d'entre eux en avait visité une. Même s'il était tard et que l'activité dans les galeries souterraines se calmait beaucoup à cette heure, un banquet s'improvisa, pour fêter le retour d'Ormaïn, souhaiter la bienvenue aux deux étrangers, et entendre encore des récits sur l'univers. Alors que le banquet commençait, Zélé, mal à l'aise en comprenant ce qui allait se produire, s'enquit auprès d'Ormaïn. « Vous allez tous manger ensemble, c'est bien ça ?» s'inquiéta-t-elle. « Oui, tu as... Ah oui, c'est vrai. Mais tu dois avoir faim, non ?» demanda Ormaïn. « J'ai mes pilules alimentaires pour moi et... » Zélé coupa sa phrase nette, en voyant Zoku attablé et prêt à manger en public sans aucune pudeur. Sa soif de connaissances et de découverte de nouvelles cultures le désinhibait entièrement. Il n'avait aucune gêne à manger en réunion puisque c'était la coutume locale. Pour faire une bonne figure, la princesse resta sur sa chaise jusqu'à ce que le banquet commençât. Des plats épicés, des potages, des herbes, des fruits multicolores furent passés de main en main et partagés. Chacun plantait ses griffes dans la nourriture comme si c'était agi d'une pique. La présence de couverts aurait été futile. Zélé les regarda un long moment, puis garda la tête baissée, les yeux rivés sur son assiette. Et n'y tenant plus, elle se leva au bout de 20 minutes pour s'éclipser dans un tunnel, à la sortie de la salle. Elle est assise contre la paroi, la peau de son dos contre la terre fraîche, concentrée au maximum sur ses tâches du Rézarque. S'il le fallait, elle resterait tout le temps du banquet à les attendre ici. Elle avait bien assez à s'occuper comme cela avec son implant U. Les heures pouvaient s'écouler, elle ne s'en apercevrait pas. Si jamais Ormaïn, Zoku ou qui que ce fût s'entêtait à vouloir la convaincre de les rejoindre, elle saurait quoi répondre et leur faire passer l'envie d'insister. Zélé parvenait si bien à faire abstraction des exclamations résonnant dans la galerie qu'elle n'entendit pas le Nikien s'approcher d'elle. « Ça va pas ?» La haute silhouette qui tranchait le ray de lumière et cette voix grave atteignant, soudainement s'effante, auditive, la firent sursauter. « Oh, Kawa, oui, oui, tout va très bien, merci. »« T'as pas faim ?»« Non, non, ça va, » le rassura Zélé. « Pourquoi tu restes pas à table ? Personne ne va prendre mal que tu ne manges pas, hein. Tu sais, c'est pas parce que tu manges pas que tu peux pas rester. » « Je sais, oui, merci, mais je préfère être un... plus au calme. La fatigue du voyage. » Elle hésitait dans ses phrases, voire bégayait. Parler de se nourrir face à un inconnu était gênant, mais il s'agissait d'autre chose encore. Pourquoi était-elle si troublée en la présence de Kawa? Quelle était cette force qu'il exerçait sur elle? Il l'intimidait. Elle n'en avait pas peur, non? En soutenant son regard, elle se rendait bien compte qu'elle n'avait rien à craindre de lui. Pourtant, c'était évident. Il l'intimidait par son assurance et sa simple présence. Il semblait tout contrôler. Les autres se taisaient et l'écoutaient avec intérêt quand il se mettait à parler. Et il était beau. Zélé le trouvait beau. Et attirant. Il était droit, ses muscles et son visage étaient anguleux. Son cuir était taillé très court, ne formant que deux petites crêtes s'étirant de son front jusqu'à sa nuque. Ses deux narines faciales étaient presque verticales et assez rapprochées. Ses yeux étaient larges et sa lèvre inférieure fine, sa bouche pas trop grande, ses pommettes hautes étaient bien dessinées. Il ne portait qu'un pantalon s'arrêtant aux genoux, il avait le torse nu, un torse bombé qui se soulevait au rythme hypnotique de sa respiration. Des cicatrices plus ou moins profondes étaient gravées dans sa chair à divers endroits. C'était bien la première fois qu'elle sentait son cœur vaciller dès le premier regard. Des clameurs appelant Kawa à revenir fusèrent bientôt dans la salle du banquet, et d'un geste d'impuissance, Kawa dut abandonner la charmante étrangère et retourner auprès de son public. Le repas avait commencé depuis longtemps et Ormaïn, ayant eu en grande partie fait le tour de ce qu'il avait à raconter, n'était plus l'unique centre d'intérêt. « Ah, désolé ma toute belle, mais on me réclame. » Il caressa rapidement le menton de Zélé et s'éclipsa en lui adressant un clin d'œil qui la fit presque rougir. En franchissant le seuil de la porte, Kawa faillit bousculer Zoku qui sortait. « Princesse Zélé, depuis le temps que nous sommes partis, vous n'avez pas faim ?» demanda Zoku. « Zoku, les piles alimentaires sont dans mon sac. J'ai compté justement... » « Oh non, mon sac, toi ne l'as pas pris ?» lui demanda Zélé. « Princesse Zélé, vous n'avez pas pris de pilule alimentaire ?»« Zoku, quand nous avons décidé de ne pas sortir, les masques respiratoires de la soute du vaisseau, je n'ai pas pensé qu'il y avait d'autres choses à prendre avec nous. Comme le sac avec nos provisions, tout est resté là-bas. Il faut retourner au vaisseau le plus vite, » s'inquiéta Zélé. « Princesse Zélé, vous n'y songez pas sérieusement. Nous ne retournerons à la Gilgo que pour repartir. Ce serait trop risqué de faire un voyage intermédiaire. » Zoku, mon organisme n'a rien pour se sustenter sans les pilules. Que vais-je à... Princesse Zélé, veuillez m'attendre ici, je reviens. La rassura Zoku. Zélé ne retint pas Zoku alors qu'il retournait au banquet. Que pouvait-il aller faire? Zoku avait beau être astucieux, la princesse ne voyait pas comment il pouvait trouver une solution. Moins de 2 minutes s'étaient écoulées quand il réapparut dans l'encadrement de la porte avec une gamelle bien remplie. Princesse Zélé, elle y a un peu de tout. Vous verrez ce qu'elle vous plaît. Ne soyez pas mal à l'aise. « Nous ne sommes pas sur Upléas. Vous pouvez toujours vous mettre plus à l'écart pour vous alimenter. »« Zoku, merci pour l'assiette, j'avais... resté ici dans le tunnel. »« Princesse Zélé, comme vous voudrez. Appelez-moi en cas de besoin. »« Zoku, que fais-tu au banquet? Tu ne peux pas converser avec eux. » »« Princesse Zélé, Ville me pose des questions et Ormaïn traduit, ou je réponds en mimant, c'est assez marrant. Je trouve leur langue vraiment belle et mélodieuse. C'est presque de la musique en fait. » Et elle se rapproche de la nôtre, dans la construction, parce que, pour la sonorité, l'upléen sonne terriblement faux. Ça n'a rien de musical. Vous arrivez à le parler, vous avez de la chance. J'ai beaucoup de mal à trouver la sonorité juste, s'enthousiasma Zoku. Zoku, ce serait bien le premier domaine que toi ne maîtriserais pas. Je pense que tu finiras par réussir à le parler. Mal assuré avec son assiette dans les mains, Zélé s'enfonça un peu plus en retrait dans le tunnel, pour bien s'isoler. Elle approcha d'abord, hésitante, le bol de ses narines pour en renifler le fumet, qui ne la dégoûta pas. De la pointe d'une griffe, elle inspecta les éléments en légère suspension à la surface du bouillon. vraisemblablement des racines bouillies agrémentées d'herbes ou d'épices. Elle se décida à planter sa griffe dans la matière tendre. Son implant n'était pas en mesure de trouver l'espèce exacte du végétal. Cela faisait des années qu'elle était élevée au grain, comme on qualifiait vulgairement le fait de se nourrir uniquement de pilules alimentaires. La dernière fois qu'elle avait ingurgité un aliment solide remontait à l'année suivant la mise en place de son premier implant. Le goût de la racine lui plut, et après que la salive de sa bouche, sans dents, ait réduit l'aliment en purée, elle déglutit et sentit comme un poids dans son estomac. Cette racine était 30 fois plus grosse qu'une pilule alimentaire. Son organisme n'avait plus l'habitude de recevoir des aliments à digérer et son estomac atrophié aurait du mal à recevoir le contenu de sa gamelle. Elle recommença le processus avec un petit bout de fruit, expira profondément comme pour se libérer du poids de la première bouchée, déglutit avec peine, et d'un commun accord avec son estomac décida qu'il était suffisamment rempli. Par la faiblesse de ses membres, Zélé comprenait que son organisme avait besoin de nutriments, mais son estomac ne pouvait pas contenir ce qu'il fallait pour se ragaillardir. En attendant que la sensation d'avoir avalé une enclume se dissipât, la princesse oublia un peu son corps pour utiliser au maximum le résarque. Diviser son esprit le plus possible et observer, si rien ne laissait présager que quelqu'un au palais se doutait de son absence. Elle accomplissait ses devoirs comme à l'accoutumée. La présence de son corps physique perdu au milieu d'un tunnel souterrain sur une planète inconnue n'y changeait rien. Arriverait-il qu'un jour des êtres vivants n'aient plus besoin de leur corps pour vivre? Mais qu'adviendra-t-il alors des relations avec les espèces n'ayant pas les capacités de vivre ainsi? Et à quoi cela servirait-il de tout dématérialiser, si c'était pour recréer les sensations sensorielles par les implants? La vision de Gobain vint la hanter. Elle aurait tant aimé le voir et sentir sa grosse tête venir se frotter contre elle. Il était si massif, si puissant et à la fois si tendre. L'hologramme d'elle-même qu'elle faisait se déplacer dans le palais n'aurait pas pu se rendre jusqu'au cratère vert. Elle n'y avait pas placé de pastilles et elle n'aurait pas pu le toucher. Goba aurait été perturbé par cette présence sans odeur ni vibration. La reine Dinoma devait bien être occupée et repartie au sein du comète, car cela faisait plusieurs jours déjà qu'elle n'avait pas contacté sa fille. Bien sûr, celle-ci n'allait pas s'en plaindre. Moins sa mère était après elle, plus elle serait libre de mener à bien la mission qu'Alex, Zoku et Ormaïn s'étaient fixée en venant jusqu'ici. La plupart des discussions ne demandaient pas un grand effort cérébral, mais celles que Zélé pouvait avoir avec la reine étaient parfois des plus fastidieuses. La princesse chassa de son esprit ce genre de pensée. Elle ne devait pas s'alarmer inutilement. Elle contrôla son taux de dionine et nota que celui-ci s'approchait d'un niveau critique. Elle n'avait pas ingurgité de pilules depuis sa sédation pour le voyage, et elle pratiquait plusieurs tâches complexes en simultané, ce qui consommait beaucoup d'énergie. Il était difficile d'éliminer des tâches et juger lesquelles étaient moins importantes et devaient être sacrifiées au profit d'autres. La division de l'esprit éradiquait tout souci de priorisation. Zélé n'était pas habituée à prendre ce genre de décision. Quand la boule dans son estomac lui sembla ne plus la maintenir plaquée au sol, Zélé se leva, l'assiette presque intacte dans les mains, et entra dans la salle du banquet. Elle posa son plat sur une table et rejoignit Ormaïn, Zoku et Kawa, qui étaient assis les uns à côté des autres. Elle remarqua avec satisfaction que le plus gros du repas était passé et que presque plus personne ne mangeait. On ne faisait plus que discourir gaiement. Zélé prit une chaise et s'apprêtait à s'installer auprès d'Ormaïn quand Kawa lui prit le bras et l'attira vers lui et la fit s'asseoir à ses côtés. Elle ne le regretta pas, la conversation fut tout à fait plaisante. Petit à petit, les tables se vidèrent, quelques Nikéens embarquaient les plats vides et revenaient en reprendre d'autres, ou ne revenaient pas. La salle se dépeupla, des groupes se levaient de leurs tables, souhaitant une bonne nuit et quittaient la pièce. Enfin, Ormaïn exprima son envie de suivre l'exemple de la plupart des convives et d'aller se coucher. Zoku se rangea immédiatement à ses côtés. « Tu veux déjà te coucher alors que tu viens à peine de rentrer ?» s'indigna Kawa. « Le voyage a été long, Kawa, et il faut que je me réhabitue à Nikéas, tu sais. » lui répondit Ormaïn. Upléas est plus petite. On pèse moins lourd dessus, alors là, je peux te dire que j'ai l'impression d'avoir pris une tonne. Parce que tu l'as prise, mon vieux. Tu t'es empâté pendant ton petit séjour chez les aliens. Kawa tâta vigoureusement le ventre de son ami pour faire apparaître un bourrelet et Ormaïn dégagea son bout de peau de l'emprise un peu trop forte. Zélé releva le mot alien. D'ordinaire, c'était toujours les autres qui étaient des aliens. Et là, sur Nikéas, c'était son tour à elle d'être ainsi dénommée. « Je pense que mon absence n'a pas été trop longue pour qu'on t'assigne un nouveau colocataire, » demanda Ormaïn. « En temps normal, je pense que t'aurais eu du mouron à te faire, mais ces derniers temps, comme il y a moins d'attribution de compartiments au nouveau, il n'y a rien qu'à bouger dans ta piole. Et tu sais, je l'aurais défendu coûte que coûte. » le rassura Kawa. « Je sais bien, Kawa, Allez au lit, conclut Ormaïn. Mais si t'étais sérieux, tu veux te coucher maintenant ? Je te l'ai dit, Kawa, il est tard, nous sommes fatigués, tout le monde est parti dormir, déjà. Je ne vois pas à quoi ça sert de... Mais on a encore des tonnes de choses à se raconter, pas vrai ? Le coupa Kawa. Zoku n'était pas de cet avis. Et il avait déjà exprimé son envie d'aller se reposer, mais personne n'attendait une réponse de sa part, encore moins Kawa. C'était à Zélé qu'il s'adressait. « Je n'ai pas envie d'aller me coucher non plus, Ormaïn. » « Ah, merci, ma toute belle. »« Mais Zélé, tu es fatiguée depuis que nous sommes arrivés. Tu as un mal fou à ne pas t'essouffler en faisant un pas, » tenta de la raisonner Ormaïn. « Merci pour ta sollicitude, Ormaïn, mais ça va. Je suis pour la première fois de ma vie sur une planète non membre du comète, et me voilà en train de parler avec un autochtone. Je veux visiter vos tunnels. » s'enthousiasma Zélé. « Je connais ces tunnels comme ma poche, ma jolie. Je suis ton guide. » « Eh bien voilà, Kawa et moi partons en excursion !» conclut Zélé. « Mais Zélé !» tenta d'intervenir Ormaïn. « Voilà, allez vous coucher les petits vieux, nous on va profiter un peu de la vie. » Sans plus attendre, Kawa prit la main de Zélé et l'attira à toute vitesse dans un tunnel. Ormaïn, hagard, ne put émettre aucune protestation. Il vit le couple s'éloigner en courant, main dans la main. Il adorait Kawa, il était comme son frère, ou son fils puisqu'il l'avait élevé. Mais une colère d'une ampleur jusque-là jamais éprouvée s'empara de lui. Un large sourire sur la lèvre, Zélé se retourna et fit un signe à Ormaïn. Il put lire sur ses lèvres « à demain », ce qui le fit enrager davantage. Ormaïn, il a dit « les petits vieux, mais j'ai le même âge que la princesse. Ai-je l'air si âgé ?» demanda Zoku. Ormaïn ne se sentit pas le cœur de répondre à Zoku, et ignora sa question. Il se dirigea vers son logement et fit signe à l'Upléen de le suivre. Le petit appartement que Kawa et Ormaïn partageaient n'avait pas changé. Les mêmes meubles en bois souple, les mêmes chaises tressées et des murs en terre nue. Cet habitat était le clone de bien des autres qui peuplaient les galeries. Ormaïn déplia une natte et apporta une couverture à Zoku, qui en demanda deux supplémentaires. Il n'était pas habitué à une température si faible. Une fois son invité confortablement installé, Ormaïn alla chercher une seconde paillasse et une pile de couverture qu'il installa dans la pièce principale près de Zoku, et il tira un paravent pour isoler les deux lits de fortune et faire comprendre à Zélé que ce lit lui était réservé et que son intimité serait à peu près respectée. Il quitta ensuite Zoku pour aller dans sa chambre, elle-même restée intacte, et il s'allongea sur son matelas tressé à même le sol. Les lits upléens étaient bien plus confortables que de simples tapis posés sur le sol, pourtant Zoku trouva immédiatement le sommeil. Couché sur le dos, Ormaïn se demandait pourquoi il s'était mis au lit. Il savait qu'il ne fermerait pas l'œil de la nuit. Kawa, ce séducteur, venait d'embarquer Zélé pour lui faire une petite visite guidée. Après avoir passé la soirée aux côtés de ce bel âtre, Zélé avait accepté avec enthousiasme de le suivre, ne montrant aucune gêne à le laisser seul avec Zoku, à se détacher de lui. En cet instant, la jalousie le submergeait.